C'est le secret dans le secret. L'existence au sein même de nos services secrets, d'une cellule encore plus secrète. Un petit noyau de tueurs qui ne peuvent être activés que par les plus hautes instances de notre pays, c'est-à-dire le président de la République. Mais attention, ces assassins d'État ne sont pas censés exister, et leurs faits d'armes encore moins. Ce sont les tueurs alpha. Ils ne figurent dans nul organigramme et aucun document administratif ne mentionne leurs activités. Et bien sûr, dans les archives officielles, on ne trouve pas trace des missions qui leur ont été confiées. Autre révélation, qui n'est pas moins étonnante, je l'ai trouvée dans un livre récent de mon confrère Vincent Nouzil, parmi les présidents de la Ve République qui ont eu recours au service de ces spécialistes de l'assassinat ciblé et extrajudiciaire, c'est François Hollande qui semble avoir été leur employeur le plus constant. Celui donc qui n'a pas hésité à secrètement condamner à la peine suprême les pires ennemis de notre pays. Et évidemment, il s'agit de terroristes coupables d'avoir donné la mort à quelques-uns de nos concitoyens et qui ont donc été châtiés en tant que tels. Bref, c'est l'application de la loi du talion au plus haut sommet de l'État. Mais naturellement, François Hollande n'a pas été le premier président à agir ainsi. Et avant même la création du groupe Alpha au mi-temps des années 1980, d'autres chefs d'État ont usé, et parfois même abusé, de ce redoutable droit de vie ou de mort, exercé dans le plus grand secret et sans le contrôle d'une instance élue et donc représentative. Dans un instant, le coup de projecteur de Monsieur X. Soyez discret, ne faites pas comme 01 qu'on a trouvé mort dans son bain. Pour être un agent secret, il vaut mieux rester muet. Ne faites pas comme 02, mort d'une balle entre les deux yeux. Mieux à voix du nez, voyez l'agent 03, c'est le poison qui l'emporta. Pour être un agent secret, au pire il faut s'exposer. Voyez l'agent 04, ils ont bien fini par l'abattre. Secret, les filles, il faut se méfier. 05 ne l'a pas cru, c'est pour ça qu'il fut descendu. 06, vous le savez, lui aussi fut liquidé. Il avait un grand couteau bien planté au milieu du dos. Meilleur agent secret, je crois qu'il fait du ciné. Regardez bien 6 plus 1, oui ça fait 7, vous comptez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il est devenu vedette. Dans les films qui font recette, c'est le seul qui n'est pas mort. C'est vraiment lui le plus fort. Rendez-vous avec X. La main rouge. Souvenez-vous, nous en avons parlé à plusieurs reprises. Oui, c'est une organisation contre-révolutionnaire qui n'était qu'un faux-nez du SDEC, hein, le service des renseignements de la France. Oui, une entreprise de camouflage grâce à laquelle le renseignement français pouvait perpétrer un certain nombre de mauvais coups sans risquer d'être accusé. Eh bien, lors des conflits coloniaux, surtout à l'époque de la guerre d'Algérie, la main rouge a exécuté entre 100 et 200 personnes. Oui. À l'initiative du pouvoir politique. Oui, des assassinats qui ont été autorisés par le Premier ministre Michel Debré ou encore par l'éminence grise de l'Élysée Jacques Foccart. Et donc, avec l'assentiment du général de Gaulle. C'est certain. C'est ce qu'on appelait dans les services spéciaux les opérations HOMO. HOMO pour homicide, oui. Mais En dehors de ce cas très particulier de la main rouge qui a mystifié l'opinion dans les années 1950 et 1960, il a toujours existé dans les services secrets des spécialistes de l'élimination de personnages dangereux ou embarrassants. Ouais, des tueurs officiels, si dûment je veux dire. Autorisés à tuer, mais bien sûr dans la clandestinité. Et sans que jamais le pouvoir ne reconnaisse avoir commandité ces meurtres. Mmh. Et comment ça se passait alors? Et puis, qui était ces tueurs? Quand le pouvoir exécutif décidait de se débarrasser d'un individu, il pouvait compter sur le service action du SDEC. Ouais, le SDEC était l'acronyme de notre service de renseignement extérieur. Avant qu'il ne soit renommé DGSE en 1981, oui. Et c'était la direction de son service action, installée dans la banlieue parisienne, au fort de Noisy-le-Sec, qui étudiait la demande et imaginait la meilleure méthode pour satisfaire le pouvoir. Vous avez dit « imaginer ». À dessein, parce qu'il est arrivé à ces spécialistes de l'assassinat programmé d'inventer des méthodes que n'aurait pas renié un James Bond. Des armes sophistiquées. Oui, comme des sarbacanes modernisées ou de surprenantes armes à feu. Mais plus subtilement, ces experts ont aussi beaucoup étudier les poisons. Ah, c'est plus discret, hein. Certes, mais leur utilisation est parfois délicate. Je vous rappelle pour mémoire, sans entrer dans les détails, l'assassinat en Suisse du leader nationaliste camerounais, Félix Moumié, en 1960. Pour des raisons matérielles, le tueur lui a fait ingurgiter deux doses de poison. Ouais, au lieu d'une. Hein. Résultat, au lieu d'aller mourir discrètement dans son pays, Moumié est décédé en Suisse. Ce qui a déclenché une enquête des autorités helvétiques et la déconfiture des agents français. Ouais, des agents qui étaient donc des hommes du service action, du ZEC. Hein. C'est-à-dire généralement des militaires issus par exemple d'un bataillon légendaire, le 11e choc. Même si à l'occasion on a pu faire appel à des extras, des barbousses de confiance, recrutés par exemple dans les milieux gaullistes. Mais la plupart du temps il s'agissait donc de militaires entraînés à la clandestinité et recrutés au sein de la base de Cercotte ou de la base des nageurs de combat de Kellern. Ça a été le cas tout au long de la guerre d'Algérie. Et quand la main rouge a aussi sévi. Hein. Mais problème, à la fin de la guerre, certains de ces tueurs ont préféré rejoindre l'OAS. Oui, parce qu'ils se sentaient plus proches idéologiquement des ultras de l'Algérie française. Hein. Et c'est là qu'on a eu recours à des barbouzes, mais enfin, passons. Sous De Gaulle, l'homme qui était le grand ordonnateur de ces meurtres d'État, c'était donc Foccart, qui fréquentait lui-même assidûment le centre d'entraînement de Cercotte. Et ces liquidations étaient en rapport avec la politique africaine de la France? Naturellement. Je vous ai parlé de Félix Moumié, mais on pourrait aussi évoquer en 1973 l'assassinat du Tchadien, Outel Bono, éliminé en plein Paris. Oui, alors que le général n'était plus au pouvoir. Mais hein, Foccart, lui, était toujours en charge des affaires africaines, même si son étoile l'avait pâli sous Pompidou. Et ensuite, alors? D'après ce que l'on sait, Valéry Giscard d'Estaing n'a jamais hésité à user de ce pouvoir discrétionnaire accordé implicitement au président de la Ve République. Implicitement, mais illégalement. Ah, vous avez parfaitement raison. Alors Giscard, qui s'est beaucoup impliqué en Afrique, en Angola, au Zaïre et en Centrafrique, a certainement donné son feu vert à des opérations homo. N'oubliez pas que c'est un chasseur. Mais parfois, ses initiatives n'ont pas été couronnées de succès. Il n'a par exemple pas réalisé l'un de ses vœux les plus chers, se débarrasser de Kadhafi. Mmh. Ouais. Alors venons-en à Mitterrand. C'est sous sa présidence que le système va évoluer. D'abord, dans un premier temps, il se comporte comme ses prédécesseurs. Et confronté au terrorisme proche-oriental, il a dû réagir très vite. Ça a commencé avec l'assassinat de notre ambassadeur Delamare à Beyrouth en 1981. François Mitterrand a ordonné aux services secrets d'identifier les coupables puis de les liquider. Ce qui a été fait? Oui, tous les responsables ont été éliminés. Mais c'était d'abord un message adressé à Faisal Assad, qui était vraisemblablement le commanditaire de l'assassinat de notre ambassadeur. D'autres actions de représailles ont été décidées, en particulier après le sanglant attentat qui a frappé les parachutistes français à Beyrouth. Et dans l'imam nommé Drakkar. Oui, mais ces actions ont parfois échoué. Échec aussi. Lorsqu'il s'est agi de punir les deux chefs terroristes Carlos ou Abou Nidal. Des opérations homo avaient-elles été lancées? Parfaitement. Le président Mitterrand avait donc décidé de les faire tuer. C'est exact. Mais il faut nuancer. Mitterrand ne donnait pas formellement un ordre, et surtout pas un ordre écrit. Cependant, quand il recevait en tête-à-tête le patron de la DGSE, il ne délivrait pas un véritable feu vert, mais il laissait entendre qu'il ne s'opposerait pas à une initiative de ce dernier. Ce qui équivalait à acquiescer. Mais sans le dire vraiment. Et ça nous amène directement à la désastreuse affaire du Rainbow Warrior, qui va conduire à un changement radical de la politique des opérations homo. À cause de ce grave échec, justement ? Oui, parce que les agents du SDEC, après avoir été accidentellement responsables de la mort d'un photographe, ont multiplié les gaffes et ont fini par être identifiés par les autorités néo-zélandaises. Ouais, ça, c'est naturellement le pire qui puisse arriver à un agent secret. En même temps, cette affaire illustre à la perfection la méthode Mitterrand. Il n'a jamais demandé à son ministre de la Défense de saboter le Rainbow Warrior de l'organisation Greenpeace. Mais quand Ernu a émis l'idée de neutraliser le bateau, il ne s'y est pas opposé et a donné toute latitude à son ministre pour agir au mieux, afin de sécuriser les essais nucléaires en Polynésie. Oui, c'est aussi une manière de se laver les mains, non ? Parce que Mitterrand, lui, est passé à travers les gouttes. On peut effectivement voir les choses comme ça. En tout cas, l'échec des agents de la DGSE va pousser le pouvoir à réviser complètement sa façon de procéder. Et de recruter des tueurs. Exactement. À la fin de l'année 1985, donc tout de suite après le fiasco du Rainbow Warrior, il est décidé que les opérations homo relèveront désormais d'un nouveau groupe spécialement créé au sein du service action de la DGSE. Mais quelle différence avec ce qui existait déjà, c'est-à-dire le service action ? Il y en a d'abord une fondamentale, ces nouveaux tueurs. Si je peux parler ainsi, n'appartiendront pas réellement à la maison. Ce seront des isolés, sans véritable lien organique avec la DGSE. Et par conséquent, en cas de boulette, le service ne portera pas le chapeau. C'est exactement ça, ce qui n'empêchera pas ces types d'être très bien formés et entraînés. Et parfaitement insérés dans la société civile, ils ne seront appelés que ponctuellement. Ouais, lorsqu'il y aura une mission à accomplir. C'est ça. Ouais. Des tueurs invisibles, en somme. Mais bien sûr, ça c'est la théorie. Parce que dans les faits, les liens avec le service ne pourront jamais être tout à fait abolis. Mais ne serait-ce que pour leur fixer leur mission. Hein. Et assurer l'indispensable logistique, argent, armes, documents d'identité, etc. Mais vous l'avez compris, l'idée essentielle qui préside à la création de la cellule Alpha, c'est d'en faire un petit noyau quasi autonome et surtout indépendant de notre service de renseignement. Un des secrets les mieux gardés de la République, c'est ainsi que le journaliste Vincent Nouzil évoque l'existence de la cellule des tueurs alpha. Dans cet extrait de son ouvrage « Les tueurs de la République », il détaille leur mission. Traditionnellement, lorsqu'ils partent à l'étranger, les agents adoptent une identité fictive avec de faux papiers, un curriculum vitae qu'ils doivent maîtriser, une couverture que les experts appellent une légende, qui doit fonctionner le temps de la mission, de quelques semaines à quelques mois. Pour les alphas, explique un ancien cadre du service, il s'agissait d'imaginer des légendes beaucoup plus solides qui puissent fonctionner plusieurs années en créant des doubles vies complètes à des agents. Ceux-ci étaient ensuite destinés à être lâchés dans la vie civile et à être activés par le service de manière ponctuelle pour des entraînements ou des opérations réelles. Nous devions trouver des candidats discrets, fiables, malins, courageux. Les agents capables de telles immersions ne sont pas légion. France Inter, Patrick Pénaud, à rendez-vous avec X. Les hommes du service action à qui on confiait des opérations homo étaient en général des militaires. Et cette heure alpha alors ? Ils ne seront pas forcément issus des rangs de l'armée, même si au départ la difficulté de recruter ces hommes d'exception a nécessité de puiser d'abord dans le vivier militaire, mais ça n'a pas duré. Autre difficulté de taille, Ces individus susceptibles de plonger d'un instant à l'autre dans la clandestinité devaient être célibataires. Enfin, en dehors des qualités physiques exceptionnelles qui leur étaient demandées, il fallait aussi qu'ils aient un profil psychologique très solide. Des gens très stables. Et mentalement très forts, évidemment. Alors la mise en place et la constitution de cette cellule alpha commence tout doucement tout au long de l'année 1986. Au printemps 1986, une première liste est établie. Elle compte moins de 5 noms. Ah ben, ce qui montre la difficulté de trouver ces oiseaux rares. Tout à fait. Je peux vous dire qu'ils ne seront jamais plus d'une dizaine. Et combien de temps doivent-ils rester disponibles ? Aucun délai n'a été fixé. Ainsi, certains de ces agents alpha demeureront actifs pendant 2-3 ans, et d'autres plus de 10 ans. Autre caractéristique, ces hommes ne forment pas un groupe. Ah oui, ils ne se connaissent pas les uns les autres. C'est ce que je voulais dire. Enfin, ils doivent être mobilisables à tout moment, soit pour subir un entraînement, soit pour effectuer une mission. Mais c'est sur le terrain qu'ils vont découvrir s'il s'agit d'un simple exercice ou d'une véritable opération visant à liquider un individu. Et c'est une façon aussi de les rendre constamment vigilants. Et prêts à passer à l'action sans savoir si c'est du vrai ou du faux, pour parler comme les enfants. C'est en effet l'objectif. Ouais. Et alors, qui les dirige ? La chaîne de commandement est excessivement courte. C'est le directeur de la DGSE qui les missionne, après avoir reçu des ordres de l'Élysée. Ensuite, bien sûr, il y a un ou deux échelons intermédiaires. Le chef du service action ou le directeur des opérations de la DGSE. À noter que le ministre de la Défense, qui est pourtant le tuteur officiel du service, est tenu dans l'ignorance. Car tout est fait pour respecter un secret absolu. Donc, pas de papier du style ordre de mission. Mais tout est oral. Oui, il ne faut pas laisser de traces. Et c'est aussi valable pour les agents alpha eux-mêmes. En opération, ils sont jetés dans la nature sans aucun filet de protection. Et donc, en cas de pépin, il leur faut se débrouiller eux-mêmes. C'est ça. Et ils ne peuvent pas en référer à la DGSE, qui officiellement ne les connaît pas. Et quand commence l'activité de cette cellule alpha ? Elle est opérationnelle au moment, en 1987-87, où la France est frappée par une vague d'attentats. Ouais, des attentats, on l'apprendra un peu plus tard, qui sont en réalité commandités par l'Iran. Oui, et sans que l'on sache exactement quelles ont été les cibles, il est probable que des terroristes proches ou moyen-orientaux ont été visés. Ouais, quoi, tués ? Je n'en sais rien. Il faut aussi observer que l'époque était à la cohabitation et que ça a sans doute rendu plus délicat le mécanisme de la prise de décision. Mais dès la réélection de François Mitterrand en 1988, l'horizon s'éclaircit pour la cellule alpha dont le programme monte en puissance, en particulier au niveau de l'entraînement, et toujours dans la plus stricte clandestinité. Le cloisonnement fonctionne si parfaitement que même les agents du service action ignorent l'existence de la cellule alpha. Et quelles vont être les cibles ? Les terroristes, toujours. Ceux qui ont perpétré les attentats des années 1980. Mais bientôt, il y en aura d'autres. Les islamistes issus de la guerre civile algérienne. Ouais, les membres du GIA. Qui vont essaimer en France. Et ouais. Même frappés au milieu des années 90. Hein. En outre, vont être également visés des individus mêlés aux guerres de l'ex-Yougoslavie. Ouais, des criminels de guerre. Ou des trafiquants d'armes. Ouais. Est-ce que ça se traduit par des assassinats ciblés ? Pas obligatoirement. Parfois, il n'est pas nécessaire de neutraliser ces gens pour parler par euphémisme. Mais que fait-on ? On leur fait savoir qu'on ignore rien de leurs activités coupables et ça suffit souvent à les calmer. Ah oui, parce qu'il n'y aura pas d'autres avertissements. C'est exactement ça. Et ce sont les agents de la cellule alpha là, qui sont chargés de distribuer ces avertissements gracieux mais menaçants ? Oui, après avoir effectué des repérages minutieux sur les agissements de ces personnages. Mais poursuivons. Après les dramatiques événements du 11 septembre 2001, c'est la lutte contre Al-Qaïda qui va principalement mobiliser la cellule alpha. En liaison avec les services états-uniens ? Forcément, ouais. Même si la coopération entre services de renseignement n'exclut pas la méfiance. Enfin, n'allons pas trop vite. Curieusement, on va avoir des lumières sur les activités de la cellule alpha un peu par hasard, grâce à une affaire qui n'a rien à voir avec les agissements des tueurs de la République, pour reprendre le titre du livre de Nouzille. Et ensuite, grâce à une grosse bourde commise par une équipe de ces mêmes personnages. Alors, par où commence-t-on ? Par un étrange détour dans l'affaire Clearstream, vous vous souvenez ? Ah bah oui, Clearstream, c'est d'abord la dénonciation par le journaliste Denis Robert de cette chambre luxembourgeoise de compensation dont les activités étaient suspectes, sinon malhonnêtes. Et il y a aussi l'affaire dans l'affaire, la découverte sur les listings de Clearstream de noms de personnages politiques qui auraient détenu des comptes bancaires illégaux à l'étranger. Oui, mais des noms ajoutés de façon maligne. Pour nuire, oui, mais n'y revenons pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'occasion, on parle beaucoup d'un homme de Londres. Je vois de qui vous voulez parler, le fameux général Rondeau, l'homme qui a kidnappé Carlos au Soudan. Hein. Et qui, toute sa vie, a collaboré avec les services secrets, tant intérieurs qu'extérieurs. Et donc, malgré lui, le discret général Rondeau a été mêlé à l'affaire Clearstream. Et on a découvert qu'il tenait au jour le jour des carnets où il relatait ses rencontres et rendez-vous. Ce qui est quand même un peu bizarre hein, pour un maître espion. Et Rondeau avait sans doute l'intention d'écrire pour l'histoire. Ouais. Bon. Rappelez-moi, quelles étaient exactement ses fonctions à l'époque, c'est-à-dire au début des années 2000. Il était conseiller pour le renseignement et les opérations spéciales auprès du ministre de la Défense. D'abord le socialiste Alain Richard, puis l'UMP Michel Alliot-Marie après 2002. Il avait donc accès à de nombreux de précieux documents. Hein. Et à la lecture de ses carnets, même si ses notes sont parfois elliptiques, on comprend qu'il était tenu au courant des opérations les plus secrètes, en particulier à propos des missions projetées après le 11 septembre. On découvre, par exemple, que les ripostes, après consultation des services américains, sont déjà à l'ordre du jour, dès le 11 septembre au soir. Puis deux jours plus tard, le 13 donc, Rondeau rencontre le président Chirac. Sont passés en revue un certain nombre de projets d'opérations secrètes. Puis le même jour, Rondeau évoque le sujet avec le général Dominique Champtiaux, le directeur de cabinet du patron de la DGSE. Alors là, on entre dans le concret. Oui, puisque d'éventuelles missions homo conduites par les commandos Alpha sont étudiées. Quelle était la position de principe de Jacques Chirac à propos de ces exécutions d'État ? J'y viens, justement. Parce que, on va le voir, Chirac a été parmi tous les présidents de la Ve République celui qui a été le moins enclin à ordonner des assassinats. La preuve en est donnée le 17 septembre 2001. Là, toujours d'après les carnets Rondeau, là ? Oui, ce jour-là, on discute à l'Élysée en présence du Premier ministre Lionel Jospin et du ministre de la Défense Alain Richard de l'opportunité de décider d'opération homo. Or, d'après Rondeau, Chirac se prononce contre. Contre des assassinats, donc ? Oui. Tandis que ses deux interlocuteurs seraient plutôt pour. Parenthèse, quand ces carnets ont été publiés dans la presse, Jospin et Richard ont tous deux nié avoir approuvé des opérations homo. En tout cas, il y a donc apparemment des accords au plus haut sommet de l'État. Et à quoi a-t-on abouti ce 17 septembre ? À l'organisation d'enlèvements de cadres identifiés comme appartenant à Al-Qaïda. La préparation, le ciblage et les opérations revenant aux Alphas. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. En septembre 2009, le journaliste de Libération, Karl Laske, obtient une interview anonyme d'un ancien cadre des services secrets. Celui-ci évoque l'existence des équipes Alpha, je cite. Ces équipes existent parce que le président de la République a ce pouvoir. Un pays doit être en mesure d'exécuter ce type de mission. On est face à des atteintes aux intérêts stratégiques du pays. Ce sont des gens que l'on ne peut pas neutraliser autrement. Le président peut donc donner l'ordre au directeur de la DGSE d'exécuter une cible. Des gens sont prêts en permanence. Ils sont préparés et formés exclusivement à ça. Celui qui passe à l'acte ne sait pas sur qui. Il l'apprendra par le journal. Mais c'est une prérogative du chef de l'État. Question. Ce type d'opération échappe-t-il à tout contrôle ? Réponse. Le pouvoir politique en France ne l'assume pas. C'est un sujet tabou. Est-ce que le service d'action de la DGSE peut aller jusqu'au permis de tuer ? La question transcende les clivages politiques. Ce que les politiques n'osent pas dire, c'est qu'on peut tuer des gens. Cela veut dire qu'effectivement, le chef de l'État a un droit de vie ou de mort. Il y a une règle. Les opérations homo ne s'appliquent qu'aux non-ressortissants. Toujours grâce au carnet du général Rondeau, on apprend que malgré les réserves de Jacques Chirac, la préparation des opérations homo en Afghanistan s'accélère. Et dès le 28 septembre, elle se fait en liaison avec la CIA. D'ailleurs, bientôt, un dialogue direct s'établit entre le ministre français Alain Richard et Paul Wolfowitz, le secrétaire adjoint à la défense des États-Unis. Au menu, toujours les missions homo en Afghanistan. Et pourquoi la France est-elle si désireuse d'agir là-bas ? Paris entend essentiellement punir les assassins du commandant Massoud, tué 2 jours avant les attentats du 11 septembre. Oui, parce qu'il existait un lien privilégié entre la France et cet ennemi des talibans. Oui, mais les actions envisagées ne se limitent pas à l'Afghanistan. On va bientôt en avoir une preuve assez consternante. En avril 2002, très exactement, c'est-à-dire au pire moment, l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2002. Et donc après l'élimination de Lionel Jospin au premier tour. Le pouvoir exécutif est donc déboussolé, même si l'équipe sortante assure le suivi des affaires. Alors cette bourde que je vous annonçais, le 18 avril 2002, un peu après minuit, une Audi 80 emprunte une voie interdite pour gagner l'autoroute de Barcelone, près de la ville de Manresa, en Catalogne. Elle est arrêtée par des agents des forces de l'ordre. Pour un contrôle. Le conducteur, un homme trapu, aux cheveux bruns et courts, présente un passeport français, au nom de Richard Pérez, né à Marseille en 1963. Il lui est demandé d'ouvrir le coffre arrière de la voiture. Et là, surprise, dans un tube en PVC de 20 cm de diamètre, les policiers découvrent plusieurs armes sophistiquées et divers matériels, GPS, boussole, émetteur, récepteur, etc. Et l'homme est conduit au poste. Naturellement. Et il est longuement interrogé. Et l'affaire se complique rapidement, car une femme, présentée comme son épouse, est interpellée. Elle déclare que son époux s'appelle en réalité Mohamed, ce que confirment d'autres papiers d'identité. Ouais, donc ça paraît louche, hein, et les armes et les faux papiers, enfin bon. Et comment l'interpeller se défend-il alors ? Mal. Il invente une histoire sans queue ni tête. Je ne rentre même pas dans le détail. Ce qui est plus embarrassant, ce sont les nombreux appels qu'il reçoit sur son téléphone portable. Tous émanant de cabines publiques de Barcelone. Des appels qui permettent à la police de mettre la main sur leur auteur, un certain Richard Piazzol, habitant Paris. Encore une identité fictive ? Vraisemblablement. Les deux hommes sont donc placés en garde à vue, incarcérés et inculpés pour possession d'armes prohibées. À qui la justice espagnole pense-t-elle avoir affaire ? À des trafiquants ou à des terroristes. En tout cas, de nombreuses investigations sont lancées, tandis qu'à Paris, on est sérieusement ennuyé. Et le mot est faible. Et parce que ces deux hommes sont donc des alphas. Et selon les principes de fonctionnement de la cellule, il est impossible d'agir en leur faveur. Car pour les services, ce sont théoriquement des inconnus. Mais que faisait-il en Espagne ? C'est un des mystères de cette affaire. S'agissait-il d'une mission d'entraînement ? Ou avait-il un objectif précis à remplir ? Une exécution, par exemple ? Oui, on ne le saura jamais. En tout cas, comme l'affaire semble prendre de l'ampleur au ministère de la Défense, on commence à bouger. On l'apprend grâce, une nouvelle fois, au carnet du général Rondeau. Ah oui, qui va être amené à intervenir. En effet, car en dépit du changement de majorité, il a gardé son poste au ministère de la Défense. Observons que cette affaire tombe au moment où la DGSE est secouée par l'histoire du compte japonais de Chirac. Et le président a été ulcéré par le fait que des agents de la DGSE aurait enquêté sur ce mystérieux compte. Et il va faire le ménage, en remplaçant d'abord son directeur. Et c'est Rondeau, qui est non seulement chargé de trouver un nouveau titulaire, mais qui doit aussi mener une enquête sur cette affaire du compte japonais. Ben décidément, c'est un homme indispensable. Ça me semble évident, car c'est lui aussi qui va essayer de récupérer les deux alphas emprisonnés en Catalogne. Oui, mais comment procéder ? Un émissaire est envoyé à Barcelone. Il explique aux enquêteurs que les deux hommes sont des fonctionnaires français qui effectuaient simplement un exercice de transport d'armes du sud de la Catalogne vers la France. Mais c'est cousu de fil blanc. Et le juge refuse de libérer les deux Français. Il est même très énervé par la mauvaise foi de l'émissaire. Bref, ça ne marche pas. Ah, bien au contraire. En même temps, les enquêteurs catalans commencent à se dire que les deux suspects sont des agents en mission et qui devaient exécuter une cible islamiste dans un bar de Barcelone. En toute illégalité. Même si, peut-être, les services de Madrid étaient au courant. Mais vous le savez, entre Madrid et Barcelone, ça n'est pas le grand amour. À Paris, la DGSE a un nouveau patron, Pierre Brochand, qui découvre une maison mal en point après l'histoire du comte japonais et de la purge qui a suivi. D'où sa volonté de régler au plus vite l'affaire catalane. Rondeau, toujours à la manœuvre, se rend à Barcelone pour rencontrer le procureur général. Une version officielle a été mise au point. Les deux agents effectuaient un exercice en situation réelle, ce qui explique la présence d'armement. Et ça convainc le magistrat ? Bon, en tout cas, il fait semblant. Mais il faut aussi dire que Paris a exercé de nombreuses pressions sur Madrid, au nom de la lutte commune qui doit être menée contre le terrorisme, quoi qu'il en soit, contre un engagement sur l'honneur que les deux prévenus seront présents lors de leur procès, les deux membres de la cellule Alpha sont libérés en octobre. Donc le dossier n'est pas clos. Et malgré tous les efforts diplomatiques et autres, catalans et espagnols ne veulent pas céder. Et en septembre 2003, la date du procès approchant à Paris, on ne sait toujours pas comment se sortir de cette affaire qui mobilise maintenant tout l'exécutif et les services secrets. Et la solution alors ? Eh bien, on va laisser l'opération pourrir, parce qu'il apparaît que la justice espagnole ne croit pas un instant à la version française. Ouais, celle de l'exercice. Et donc de la simulation d'une opération réelle. Pour la justice, les deux agents français étaient bien là pour tuer quelqu'un. Conséquence, le procès s'ouvre au début 2004. Et puisque, contrairement à la parole donnée, les inculpés ne se présentent pas, ils sont jugés par contumace et écopent de 7 ans de prison. Ils pourraient donc faire l'objet d'un mandat international. Oui, hein. Et pendant un moment, il a été question de les exfiltrer à l'étranger sous une fausse identité. Mais finalement, ça s'est arrangé. Et comment, alors ? Sans doute par une négociation souterraine. Rondeau a fait comprendre aux Espagnols que la justice française conservait des dossiers très compromettants sur les commandos anti-basques des Galles. Ouais, c'est tueur qui avait liquidé des militants basques sur le sol français. Et donnant, le dossier judiciaire des deux agents français a été refermé en 2009. Mais cette malencontreuse affaire a contraint le pouvoir et la DGSE à mettre la cellule Alpha provisoirement en sommeil. Elle n'est redevenue progressivement opérationnelle qu'à partir de la fin 2004, lors des enlèvements de nos concitoyens en Irak. Mmh. Et plus récemment, alors ? Oh, les cibles ne manquent pas, d'autant que le pouvoir déjà sous Sarkozy, et encore plus sous Hollande, s'est décidé à changer de stratégie lorsque ses intérêts ou ses concitoyens étaient menacés. Mais c'est-à-dire Des représailles sont immédiatement engagées. Ah oui, la riposte immédiate. Oui, et on l'a constaté à plusieurs reprises ces toutes dernières années. Ainsi, lorsque certains de nos compatriotes ont été enlevés au Niger, la poursuite des preneurs d'otages a été aussitôt entreprise. Oui, mais deux des otages ont été tués. C'est vrai, mais c'est le risque à prendre. En Somalie aussi, les responsables de l'enlèvement de deux Français qui se sont avérés être des agents de la DGSE ont été, autant qu'on puisse le savoir, repérés et liquidés. Et puis, mais il y a le Mali. Bien sûr, à l'initiative de François Hollande, il a été établi une liste de chefs terroristes d'ACMI qui devaient être éliminés en priorité. Et certains l'ont déjà été ? Oui, quelques-unes de ces cibles de haute valeur, pour reprendre une expression américaine, ont été frappées, comme le terroriste Abu Zed. Il ne fait nul doute que le célèbre Mokhtar Belmokhtar doit figurer en bonne place sur la liste de Hollande. Parfois aussi, le traitement de ses cibles a été sous-traité aux Américains et à leurs redoutables drones tueurs. Donc la cellule Alpha est toujours en activité. Assurément. Et tenez, il m'étonnerait qu'elle ne soit pas intervenue lors de la mort de Kadhafi. Expliquez-moi là. Pour Sarkozy, et contrairement à ce qui a toujours été prétendu devant les instances internationales, la finalité de l'intervention en Libye, c'était la liquidation de Kadhafi. Alors, non seulement un avion français a propulsé une bombe de 250 kilos sur le convoi automobile dans lequel il avait pris place, mais il est quasi certain que des agents français se trouvaient sur le terrain. Ont-ils contribué à achever le dictateur ? Le mystère demeure. Cette émission a été réalisée par Michel Biou, mise en musique par Monsieur Djoub, et préparée par Rebecca de Nantes, qui s'est informée sur le renseignement. Oui, car on est au cœur du sujet, Patrick, avec le projet de loi controversé sur le renseignement, dont un des textes concerne justement la légalisation des actions clandestines des services français. D'actions clandestines, il est aussi question dans le livre de Jean-Claude Cousserand, ancien patron de la DGSE, et Philippe Hayet, magistrat. Son titre, « Renseigner les démocraties, renseigner en démocratie ». Une somme très documentée sur les principaux services occidentaux, une histoire comparative et une analyse des nouveaux défis à relever dans les domaines du cyberespace et de l'antiterrorisme. Un livre qui vient de paraître chez Odile Jacob. Un avis sur cette émission, vous pouvez nous écrire sur franceinter.fr. À samedi prochain. Et tout de suite après, le flash, un peu de vert. CO2, mon amour, de Denis Chessou.